Rebel Studio. Yeah. Ah. Muffy. Yeah. Yeah, yeah. Lexi Airways, baby, y'en ka plané. Quand t'es machiné, y'en ka fait y'en quoi planning. Fais money, fume et toi, bois alcool au planning. Ou comprenant et vert, mais y'en sillon de planète. Liquide, liquide, liquide, liquide. Cerveau à moi inondé, en tête au moins c'est liquide. Liquide, liquide, liquide, liquide. Poisson à la mêlée, un café liquide. Baby, un cas plané, cerveau à me cramer. Heavy pété au tel dos, loi et réclamer. Chaud là où un fille demain ou cacané. Pour vie à tourner, où on faut toujours carré. Moutel à pas Qatari, ambitieux qu'on Qatari. Nous tous déjà condamnés, un pas bizin compagnie. Un pas capavané, efficace qu'on cabani. Prison depuis des années, à ce mille ans des années. Un savio va et moins, pas bizin le vaillo. Moi en vie à et loin. Un gravis et pio, truc c'est pio. Un si réseau là qu'on pio. Bitch, c'est un pilote, c'est liquide l'impiwok. Un pis pas chemin rempli, un pas comme un déplis. Toujours glacé, un carrivé, un glisse. Fait profit et bénéfice de vis à l'horicis. Un vie amassé, donc money of a bitch. Lexi Airways, baby, y'en ka plané. Quand t'es manchiné, y'en ka fait y'en quoi planning. Fais money, fume et toi, boy, alcool au planning. Ou comprenant et vert, mais y'en sillon de planète. Liquide, liquide, liquide, liquide. Cerveau à moi inondé, en tête au moins c'est liquide. Liquide, liquide, liquide, liquide. Le gros poisson à la mêlée, un café liquide. Si un moins bridé qu'on s'y en sort du Pékin. Poche remplie et liquide, à l'aise qu'on requin. L'argent fait pas le bonheur, mais sert à gagner le pain. Cerveau en moins inondé, l'un qu'à lever le matin. Un casson j'ai liquide là qui t'a volé au colipin. Où t'es pécuniam, faire l'argent latin. Carpe diem, peu importe les pépins. Père Noël, j'vais des billets, laisse-les sous le sapin. Mariotte et Marie basse, l'argent ça va et ça vient. Donc je me donne les moyens de manger à ma faim. Vive jod là, réfléchis à demain. Fais l'argent qu'on poque pas, en vie rempli pour chemin. En vie pour chemin rempli, en pas comme un déplis. Toujours glacé, en carrivé, en glisse. Fais profit et bénéfice de vis à l'horicis. En vie amassée, donc money of a bitch. Lexi Airways, baby, y'en ka plané. Quand t'es manchiné, y'en ka fait y'en quoi planning. Fais money, fume et toi, boy, alcool au planning. Ou comprenant et vert, mais y'en sillon de planète. Liquide, liquide, liquide, liquide. Cerveau à moi inondé, en tête au moins c'est liquide. Liquide, liquide, liquide, liquide. Le gros poisson à la mêlée, un café liquide. Liquide, liquide, liquide, liquide. Qu'on poisson à l'emmêler, un café liquide.